Les nouvelles du dimanche sont meilleures que la semaine. Les stars au crachoir nous en narrent bien bonnes d'un air compréhensif. Il fait beau dans la Manche. Vive les classes moyennes. Affûtons nos mouchoirs à du long, la Madone, prenons-la, péritif. Prenons-la. Aux nouvelles du dimanche, toujours les mêmes sirènes, des experts qui s'expriment sur la marque des fleurs. Et les grands bêtisiers, les bons cœurs font la manche. Il fait plat dans la plaine et tout chante au sublime. Des tontons bricoleurs s'assoupissent rassasiés. Les sourires sont de mise et les souris soumises. Tranche de géant gigot à des chambres idéaux. Les nouvelles du dimanche sont pas pires que pas de veine de gentils assassins. Belle d'une voix joyeuse, du vide à satiété. Sa pépite sur les branches, toujours les mêmes qui s'aiment. Vive les classes soyeuses, les grands enfants nains. Passons aux variétés. Grenier. Avez-vous un permis pour jouer de la musique? Non. Non? Puis en plus, j'en ne possède même pas pour vivre. Pour vivre? Mais non. Ça demande d'attendre, vous, là. Ou, vous tentez de me mêler, vous l'êtes déjà. Mais pas vraiment, là. On m'a déplié, là. J'étais tout frippé. Vous êtes encore frippé? Oh, mon Dieu. En fait, moi, je suis un con stable. Oui. C'est passablement instable, puisqu'on m'a dit de vous demander si vous aviez un permis pour jouer de la musique. Je vous ai dit que j'en avais pas. Vous n'avez pas? J'en ai pas. Donc, vous n'avez pas de permis? Pas de permis, même pas pour vivre. Hey, ça, c'est pas, pas pour vivre, là. Je suis pas, moi, je suis pas la police pour vivre. Moi, je suis la police pour la musique. OK. La police pour vivre? La police pour vivre, ben, elle va... Elle s'en vient, là. C'est elle qui est en arrière. En arrière. Ben, écoutez, il y a plusieurs flics. Il y a le flic de du vous détergent. Êtes demandé au premier plancher de l'existence. Oui. Oh, est-ce que c'est la police? On ne sait pas. Est-ce que c'est elle qui me réclame, madame, Madame Thibodeau? Ah, ben là, je trouve... Vous êtes demandé au premier plancher de l'existence. Oui, c'est monsieur, fâchez-vous pas, là. Non, c'est pas... Il est pas fâché, c'est craché dans la sono. Ah, mando. Craché dans la sono, c'est pas craché dans les saintes, des enceintes acoustiques. C'est dans les saintes acoustiques. Ah, oui, ah, oui, c'est vrai, c'est saint. C'est très saint, ça. Regarde-moi la tétine qui sort de... Voyons donc, ben oui, c'est saint. Mais non, pas c'est saint, là. Hey, regarde-moi, il n'a pas été cavé assez quand, lorsqu'il était enfant. Oh non, quand j'ai... Moi, je suis un des rares, là, qui n'a jamais navigué, qui n'a jamais été enfant. Oh, alors lorsque tu n'as jamais été enfant, tu cherches toute ta vie à téter... À téter quoi? À téter l'existence pour te trouver un chemin. Oui. Et un chemin qui peut être sinueux. Oh. Plus c'est sinueux, plus t'es à l'écart. Parce qu'être à l'écart, c'est être différent, et être différent, ça dérange. Plus ça dérange, plus ça interroge les gens qui sont dans la filée, dans l'idéologie dominante, dans le clan du conventionnalisme, de la normalité. C'est pour ça, vous, mes petites brebis égarées, celles qui sont rayées, comme je le dirai tout à l'heure, dans une citation de quelqu'un que je ne peux pas dire parce que je ne m'en souviens pas. Parce que je vais m'en souvenir lorsque je le lirai. Et je le lirai lorsque je serai rendu là. Mais c'est pas le moment, c'est pas le temps. Le temps est venu à l'annonce de mon émission. Bonjour à vous, mademoiselle. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour à vous, petit cul. Oh, petit cul. Petit cul, oui, monsieur petit cul. Ah, oh, ça va très bien. Bon, on m'a oublié. Bon, vraiment, on m'appelle. Ben non, je sais, monsieur petit cul, parce que c'est vulgaire, légèrement, là, votre... Quoi, monsieur petit cul? Ben, à mon avis, là... Ben, écoutez, mon vrai monsieur, on choisit pas. Ça, c'est vrai. monsieur... j'allais être vulgaire sans le vouloir. Maxime le forestier, qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire fuck le forestier, mais... Maxime, je t'aime, je t'embrasse. Tu es mon ami. Non, il veut pas écrire. Non, c'est une image. Je veux pas t'en... Non, non. Grand ami de Michel Rivard, hein? Michel Rivard. Mimi. Mimi, on l'appelait Mimi. Chechel Richard. Il n'y a rien à voir avec Michel Richard, Michel Rivard, là. Tout le monde met des cartes, tout le monde et cherche son chemin à travers la sinuosité de l'existence. Et monsieur, ça va bien, ça va très bien. On a oublié de visser la mâchoire avec la langue. On dirait que la langue veut partir partout. Oh, quand t'as pas partout, non, pas, j'ai pas dit partout, madame, j'ai dit partout. Ouais, non, dans partout, il n'y a pas partout, quoique il y a des insinuations. Ouais. Ça va bien, vous? Ça va très bien. Là, on vous a demandé, je crois... Vous êtes demandé au premier plancher de l'existence. Oui. Excusez-moi, là, nous, on commence à cette émission-là par le Nirvana, puis on descend. Quelquefois même, on part du Nirvana, puis on monte plus loin, dans la stratosphère. Puis là, je ne laisse pas faire. Plusieurs auditeurs, auditrices m'écrivent et me disent, comment tu fais? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de façon... Non? Aucun ingrédient, aucune structure. À part de ça, qu'est-ce que je voulais dire, madame? Rien. Oui, je voulais dire quelque chose. Non, rien. Non, oui, je voulais. Mais, oui, rien. Non, monsieur, madame. Vous oubliez tous les sexes? C'est mélangeant aujourd'hui, hein? Vous êtes tout, oui, mais oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, vas-y, oui. Il n'y a pas de recette, pas d'ingrédients. Il n'y a pas de préfabriqué, on fait briquer rien. Tout est comme ça. Ça part, là. C'est un peu comme lorsque je plonge mon cerceau dans de l'eau savonneuse. Lorsque je la ressors, et que je tente, c'est quoi, c'est, tu ressors quoi? Disons ma raquette, OK? Lorsque je la ressors et je tente de l'amener au vent, peut-être une bulle en sortira. Mais, il y a deux éventualités. Soit que ça devienne une bulle ou qu'elle crève. Une des deux. Il n'y a pas trois alternatives. C'est une ou l'autre. Alors, la bulle, elle naît ou elle avorte? Là, c'est dépendant de la posologie de Mme Tremblay. Si elle a mis trop de savon, ça ne fonctionnera pas. Puis si elle n'en a pas mis assez, ça ne fonctionnera pas non plus. Puis ça, on le sait déjà, là, en brassant la raquette. Là, on dirait que c'est brouteux. Eh oui, hey, regarde-moi ça, mon Roger qui s'approche, je pense que c'est de la bière, là. Hein? Mon alcool. Hey, attends, oui, on va la voir. Ben, amène la raquette, oui. Frappe-la avec la raquette. Non, on peut pas le frapper. Il n'a même pas encore goûté. Hey, c'est vrai, on va laisser boire de l'eau. De l'eau savonneuse, on va voir. Il va me dire, il me semble que c'est de la bière industrielle. Ben oui, ils ont mis du savon. Ben oui. Comme toutes les bières industrielles. Mais c'est vous, pourquoi, monsieur, ils mettent du savon? C'est pour nettoyer les bouteilles. Oui. Mais ils oublient après ça de la remplir. Ça reste de l'eau puis du savon. Oui. Avez-vous des marques? On a des marques. On va dire des marques. Non, on peut pas. Alors non, on n'a pas de permis pour faire de la musique. Et non, on n'a pas non plus de permis pour exister. Le réel ne peut s'exprimer que par l'absurde. Et ça ressemble étrangement à l'émission. Et j'ai dit à des amis autour de moi qui se sauvaient en criant sérénales. Je disais à ces chances-là, excusez-moi, j'ai la bouche qui vache. Je leur disais, que dis-je? Non, je disais que lorsque j'ai une grosse semaine, une semaine qui m'a amené dans des sentiers extrêmement épuisants de mes nerfs profondément atteints, ça fait des bonnes émissions. Si au contraire, je gambade dans un verger à chercher quelques ciboulettes, des ciboulettes, ah oui, et que je trouve des ciboulots, oui, ça me met en simonac. Parce que je me dis que sur ce terrain-là, il devrait avoir ni de ciboulots, ni de simonac, ni de ciboulettes parce que c'est l'hiver. Puis l'hiver, c'est quoi? C'est de la neige, c'est de la glace, c'est de la chenoute. Puis de la chenoute avec un beau dedans. Je vous conseille de la chenoute avec un bon verre d'eau. Ah, oh, c'est tellement bon. Mais il faudrait que la chenoute soit pure. Très important. Normalement, là, dans le Groenland, oh, la chenoute est tout à fait pure à 100%. Deux glaces, de la chenoute, un peu de la chenoute, oui, et un peu d'eau. Rappelez-moi pour me dire ce que vous en pensez. Je n'en pense rien. Oui. Je ne peux pas en avoir. Pourquoi? Ben, c'est très loin, aller là-bas, là. Ben oui, mais demandez à des amis où vous pouvez vous en procurer sur eBay. I bémol, I bécé, béli. Si béli est un mot confortable, où le vent du nord nous amène glace, froid et mao. Et monsieur. Le réel ne peut plus mort. Il me semble que c'est fort. Non, mais c'est sa composition, c'est son œuvre. Je ne peux y toucher, je ne peux la censurer. Il l'a lancé comme il l'a lancé, sans jamais la rattraper. Alors, M. Valéry, extrait de Tel quel. Ça, c'est l'auteur, Tel quel. Non, c'est pas le Valéry. Tel quel, c'est son œuvre, OK? Le réel ne peut s'exprimer que par l'absurde. C'est ici que ça se passe. Vous avez suivi, là? Mettez le... Bon, passez en arrière. Oui, restez en arrière, vous. Arrêtez, là. On va aller bizarre. Arrêtez, allez-vous-en. Oui, Décollez-la. Ben, là, la dame en arrière, décollez-la. Merci. Bon, allez-vous. Allez-vous chercher un autre... moi, je suis en mission. C'est KRLienne. Je dois divertir un peuple. Je dois l'abstraire. Le distraire et l'abstraire de toute rationalité. Bref, je dois l'amener dans une évaporation presque gonflable, tel l'hélium. Pour le voir comme cela monter au septième ciel. Oh, au 7e ciel, mais êtes-vous certain qu'il faut monter, monsieur? Vous êtes demandé au premier plancher de l'existence. Ben oui, c'est ça, là. Faut pas monter, faut descendre. Ben, c'est, non, on pourra pas descendre. Après l'émission, 3-4 heures après, on va descendre. 3-4 heures, pas 3-4. 3-4 s'en vont chantant. Ah ouais, ah ouais, c'est bête. La mitraillette s'en vont frappant. Ah ouais, ah ouais, le tête. Les yellures. Les yellures de yellou, les yellulim. La yellulim, les yellulim, les yellulim. La yellulim, les yellulim. On l'appelle, on l'appelle. Monsieur! Bon, on vous a réveillé, hein? On aime ça réveiller le monde, nous. Bon, on l'a pas réveillé, on l'a... Il s'en vient. Ferme la radio, ferme la radio. Ferme la lumière. Ferme ta bouche. Les rayures! J'allais dire encore autre chose. Voyons donc, toi. La bouche. Les rayures vont mieux aux zèbres qu'au vin rouge. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que, oui, le vendredi soir, je prépare. Le vendredi soir, je vais m'envoler, moi, là. Ce soir, le vendredi soir. Après cette émission, mais c'est jeudi à vendredi. Ben oui, mais le vendredi, l'émission, c'est jeudi à vendredi. Le vendredi finit à 2h. Hein? 2h, l'émission termine, hein, madame? Oui, c'est vrai. Bon, à du jeu, monsieur. Bon. À 2h du matin, je fais mon lavage, je fais mon repassage, je me lave moi-même, je me repasse quelques fois, 3-4 fois. Vous aimez ça? Plus je me repasse, plus je me reconnais. Là. Je me défrippe. Oh, je me sens bien, là. Il fait chaud, puis oh, il fait beau, le temps est bon, il fait chaud. Bon. Et puis, viens le soir. C'est le soir, ça. Il est fatigué le soir, il pompe, hein? Mais 3 paquets par jour, t'es content que je pompe de même? OK. Alors, le soir venu, c'est 3 paquets. Une bonne cigarette. Oh, merde! Amène-moi une bonne cigarette. Oh, la nicotine, c'est mon oxygène, Gainsbourg. Oh. Bon, OK. Après ça, j'aime bien une petite tasse de nourriture déjà hachée qu'on me met dans ma gamelle. Et puis mon petit l'eau fraîche qu'on me place aussi dans ma gamelle. Et à côté, hein, ma maîtresse pour me faire plaisir, petit côté de vin rouge là, que je lape. Puis là, à la fin de tout ça, je suis heureux. Ah, les petites oreilles moches, je suis heureux. Les petits yeux. Puis là, mais j'envoie moi des zèbres aux rayures rouges. Ma maîtresse a dit, ah, c'est ça, ah, les rayures vont mieux aux zèbres qu'au vin rouge. Hey, drôle, hein? C'est pour ça que je l'aime. C'est ma maîtresse. C'est mon amour, c'est ma maîtresse. Elle est tout ce que je veux, elle est tout ce que j'ai voulu. Non, je suis assis sur une. Quoi, c'est une pelle mécanique, mais non, c'est un verbomoteur. C'est ça, branche-moi sur un verbomoteur, toi. Lorsque j'étais petit, j'ai rencontré plusieurs médecins. On le sait, on s'en doute pas. Puis, oui. Ils m'ont dit, hey, votre fils, là, madame, c'est un verbo. Ah non, on voulait pas de robot. Pas un robot, madame, un verbo. Un verbo. Ah, oh, un moteur. Oh oui, oui. C'est pas. Non, c'est pas au gaz, c'est pas. C'est. Oui, un moteur. Ça prend beaucoup d'essence. Oh mon Dieu, c'est l'essentiel. Pas d'essence, là, pas de verbomoteur. Oh mon Dieu, si ça roule. Ça roule, ça s'arrête pas, ça, là. Là, même à la fin de sa... Lorsqu'il sera rendu au bout de son rouleau... Ah, faudra le changer. Non, pas ce rouleau-là. Le rouleau, de fini, le... fini. Comme ça, verbomoteur, là, il abandonnera pas comme ça. Même mort, il parlera. Hey, ça va être le seul. Le seul de toute l'existence. Hey, là, ça existe depuis combien de temps, l'existence? Ouais, c'est ça. Là, c'est avant le moment du Bing Bang. Oui, Bing Bang, le Bing Bang. Big Bang de Bruce Springsteen. Ben non, ça, c'est le Big Bang in the Bus. Oh, Big Bang in the Bus. Tant pis pour les prudents. Big Bang, bien visé. C'est le temps de s'amuser. Là, j'ai été trop bon. Le clou souffre autant que le trou. Bon, un proverbe hollandais. Les Hollandais, hein. Le trou, les Hollandais. C'est les beignes, hein. C'est la bière. Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, Rénald. J'ose même pas me nommer au complet, j'en suis trop intimidé. Aujourd'hui, le vendredi 22 février 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur, oui, Alain Chenevière. Alain Chenevière, né le 19 février 1959 à Falaise, au Calvados, est un chanteur français. Il faisait partie du groupe Pow Wow. En 2004, il interprète le rôle de Crassus dans la comédie musicale Spartacus, mis en scène par Élie Chouraki, qui est aussi un réalisateur de cinéma, composé et écrit par Maxime Le Forestier. On en a parlé, hein? Il y a une suite! Il y a une suite! C'est merveilleux! Tout se lit, tout se relie! Lien schizophrénique, merveilleux. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé et voici la musique qui, maintenant, se fera décharger dans vos oreilles. Tranquillement. Comme on l'aime. Elle habite. Oh, Lila. Assez loin de chez moi et j'y dors quelquefois quand le loup n'y est pas où elle habite là-bas. Une grande maison blanche et j'y dors quelquefois du samedi au dimanche. Elle se lève la première et l'odeur du café bien avant la lumière me sort du lit des fées. Puis on va au marché, elle achète des fruits, je la regarde marcher, je la trouve si jolie, si le ciel. Oh Lila, et plus bleu qu'à Paris. Là. Oui, c'est parce que elle y vit. Dans sa rue, les maisons ont poussé de travers, semblent faites en carton avec des petites barrières. Y a des chiens qui s'enfuient, une fontaine oubliée, et des vieux qui s'ennuient. Il faut bien s'occuper, mais je sais. Elle est là et je vais au Lila. Et si le loup y était, c'est moi qui le mangerai. Elle fume à sa fenêtre en regardant Paris et grâce à cigarette, puis revient vers le lit, on parle de musique, de nos histoires cassées, mais la vie est magique. tout peut recommencer. Je la fais rire un peu et je dois me penser quand elle me dit qu'elle veut pour toujours me garder. Puis elle se déshabille et ma chanson s'arrête. Et la lune qui brille vous la chantera peut-être. Elle habite au Lila. Elle s'appelle. Je vous le dis pas, mais j'y suis revenu. Et le loup y est plus. Oh Lila. C'est pour me faire plaisir, moi. Ok. Ah, et me faire oublier les moments difficiles. Okay. Et il se trouve que quand je le fais, apparemment, ça plaît aux gens aussi. Donc évidemment, quand il y a le partage, c'est super. Donc c'est un plus. Mais c'est d'abord pour moi. Et toi qui as commencé vers les années. T'as indiqué en quelle année 70, c'est ça? Premier disque, concert sur une. Non, premier disque, c'est avec les Alligators en 77. OK. Alors, jusqu'à aujourd'hui, l'industrie du disque n'est plus ce qu'il est. Le téléchargement, il est légal et illégal. C'est pas plus difficile d'être un artiste aujourd'hui en 2012. Oui et non. Alors. Oui et non. Oui et non, parce que, à la fois, si tu veux, maintenant, n'importe qui peut très facilement enregistrer. Mmh. Ouais. Et même diffuser sur Internet. Parce que... Mais être vu, c'est ça. Être vu. Ouais. Bon, alors, parce que Internet, c'est un instrument magique, mais en même temps, c'est aussi le noir et blanc, quoi. Parce que, à cause d'Internet, effectivement, tout le monde peut se servir sans rien payer à personne. Donc, les artistes, ils font comment là-dedans, tu vois. Et en plus, alors, c'est vrai que un jeune groupe, un jeune artiste peut enregistrer, parce que le matériel, maintenant, n'est pas cher. Pour quelques centaines d'euros, tu as un studio chez toi, avec de la qualité. Tu peux diffuser. Mais se pose toujours le problème de, on va dire, de la distribution après. Parce que c'est bien d'être sur Internet, mais après, il faut que les gens aillent voir, aient envie de voir. Donc, il faut se rendre aux gens. Voilà. Donc malgré tout, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction. Parce que oui, ça peut être plus facile, mais ça peut être aussi plus difficile. Enfin, il y a vraiment les deux, quoi. Tu vois. Donc c'est, voilà. Et c'est, après, c'est à chacun de trouver son chemin et de se rendre visible, quoi. Mais faire des concerts aujourd'hui, comparativement au milieu des années 70, c'est pas plus complexe de trouver des salles, de trouver un endroit pour s'exprimer. Mais toi, t'as un tourneur Non, pour l'instant, j'ai pas de tourneur. Moi, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'ai monté cette aventure-là. Donc, si tu veux, moi, j'ai des disques, j'en ai fait, donc je cours pas après en faire un tout de suite. Mais bon, t'es rendu quoi à ton 10e? Si on inclut Power et tout avec les Alligators. Alors, les Alligators, on a fait deux albums. Avec Power, on a fait 4, plus plein de singles, Alligators, Power. Oui, enfin, je sais pas. Pas mal, ouais. Mais je t'enverrai, j'ai une bio avec la discographie, tout ça, je te l'enverrai. Oui. Mais donc voilà, moi, j'ai envie que ça avance vite, mais en même temps. Ah oui, tu veux que ça avance vite? Oui, enfin, j'ai hâte que les gens aient accès à ma musique, mais en même temps, je prends le temps d'enregistrer. Parce que je ne suis pas comme un jeune qui a envie d'avoir son album dans les mains. J'y vais doucement, je suis prudent, parce que je sais que c'est bien d'avoir l'album. Mais après, encore une fois, il faut le diffuser, il faut le faire connaître. Et de donner un bon produit aussi, un produit. Voilà, donc je prends mon temps et je rôde. Enfin, vraiment, j'expérimente sur scène, quoi, parce que c'est la meilleure école. Même si j'ai fait beaucoup de scènes, là, avec ce groupe-là, on est en train de se souder vraiment. Et une fois que... Combien de musiciens? 4? Alors, le noyau, on est 3. Moi, guitare, chant. Il y a Hubert 06 à la guitare qui fait les chœurs et Gilles à la contrebasse. Et autour de ça, il y a un harmoniciste qui est très souvent là, mais pas toujours, et un violoniste. Alors là, j'ai pas de violoniste attitré là, mais pour le concert d'avant-hier et pour la semaine prochaine, j'ai un de mes amis qui est parti à Austin, Texas, il y a 20 ans, qui est là en France, qui est guitariste. Un français ? Oui, okay. Il est guitariste, et il est avec son amie qui est américaine et qui est violoniste. Donc on a répété, ils ont joué avant-hier. Et ils vont jouer avec moi là, et donc c'est super quoi. Parce que ça donne une touche d'authenticité en plus. Vraiment, les gens adorent entendre un bon violon country, tu vois. détour d'une conversation, je lui ai donné mon avis. Tu devrais prendre une décision, faire du ménage dans ta vie. Alors, et sans hésitation, elle a suivi mon sage conseil. Elle a pris une décision après une bonne nuit de sommeil. Entre une famille envahissante et des vieilles histoires encombrantes, je pensais qu'elle ferait le vide pour notre histoire tellement limpide. Mais voilà qu'à ma grande surprise, et après mûre réflexion, sa décision fut enfin prise, c'est moi qui serai le pigeon. Imaginez la dérision, le comique de situation. Quant à ma grande consternation, et sans prendre trop de précautions, elle a fait de moi sa décision. Tout fut joué en un quart d'heure et mon sac était déjà prêt, empli de mes quelques erreurs et des cadeaux qu'elle m'avait faits. Je m'en souviens comme si c'était hier, d'ailleurs c'était hier, le jour où Amy est partie, mon ami a pris son parti. Imaginez la dérision, le comique de situation. Quant à ma grande stupéfaction, et sans prendre trop de précautions, elle a fait de moi sa décision. Je lui avais donné mon avis. Elle a pris une décision, elle a fait le ménage dans sa vie. Imaginez la dérision, le comique de situation. Quant à ma grande consternation, et sans prendre trop de précautions, oh, elle a fait de moi sa décision. Oui, elle a fait de moi sa décision. Oh, elle a fait de moi sa décision. Régent Pesant disait souvent qu'elle n'avait pas de rôle pour longtemps. Pauvre Régent, il posait des vis. J'enlève toutes les vis j'ai posées, je suis sûr que la bâtisse va tomber. Vice versa, tombe cette bâtisse-là, mais tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Armand Bélanger, paysan, il était décidé depuis longtemps. Pauvre Armand, je m'en vais là pour le parlement, peut-être me revoir mon argent, maudit argent. Vierge d'argent, tout ce qu'ils veulent c'est que je fasse un encan. Vice et vice versa, tombe cette bâtisse-là, mais tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Sylvie Légaré, ménagère, avait pu faire des petits toute sa vie. Pauvre Sylvie. ben tu deviens secrétaire, ben tu prends soin de ton mari quand on lui a dit. Mais lave, lave ces enfants-là, torche, torche ce plancher-là, torche, torche ce mari-là. Et n'oublie pas que dans ta maison, c'est l'homme qui est maître. Guy la liberté prisonnier, paraît qu'il aurait fait des folies, c'est pas permis. Comme il est pas fils de député, ils peuvent bien enfermer toute sa vie, pauvre Tsigui. Pour protéger la société, on va l'empêcher d'être aimé. C'est pour le réhabiliter que sa femme a plus le droit de l'embrasser. Mais saute, saute, mon chien, ça va. Brasse, brasse, brasse tes dents. Pleure pas trop souvent. Quand tu seras bon, mais trop bon garçon, tu seras libre. Richard, ma Sylvie, Tsigui, rien que change dans leur vie. Chacun le côté ont gueulé, maintenant y'a une chose qu'ils ont compris. C'est que chiale, chiale tant que tu voudras, mais cassez, voilà ce que tu pourras. Rêve, rêve tant que tu voudras. Tant qu'on sera seul dans nos maisons, on sera pas maître. Mais saute, saute, mon chien, ça va. Brasse, brasse, brasse tes dents. Pleure, pleure pas trop souvent. Mais lave, lave ces enfants-là. Torche, torche ce plancher-là. Torche, torche ce mari-là. Vierge, vierge, vierge d'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je fasse un encan. Visse, visse, visse, vers ça. Tombe, tombe cette bâtisse-là. Tombe, tombe ce pays-là. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, car nous y sommes, nous y sommes. Ils sont là. Oui, ils sont là, ils s'en viennent. Ils sont pas loin, là. Ils sont juste à gauche, là. Plus à droite, excusez-moi. Oui, je le sais, monsieur, là. On les voit, on les examine. On est dans des tranchées. Des pains tranchés, t'as très tranché. J'ai dû placer du beurre, vous allez glisser dans le milieu. Ah, y'a pas compris. Mais non, ils sont trop, hein. Tu leur dis ça, mais ils ont pas d'humour. Les gens qui ont pas d'humour, c'est des. Hein, sont très tristes. Très tristes. Le très triste. Les jeux vidéo, là, avec des cubes. Ils adorent les cubes, jeux vidéo. Vidéo! Allô? Écho! Attention, excusez-moi. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Car nous y sommes. Oui, on continue. Arrêtez. Oui, on y va. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Ben, maintenant, là, actuellement, à l'heure où on se parle, à cet instant précis, à cette virgule près, à ce point presque final, à ces trois points de suspension. C'est quoi ça? C'est les trois points de suspension. Peux-tu les refaire? Oui. C'est le troisième qui est important, là. C'est l'écho. C'est le surround digital Dolby qui rentre dans ton cervelet. À qui? À toi. À nous? Non, à toi. OK. On le refait? On le ensemble, OK? Madame Tremblay, restez proche de votre micro. Ben, on fait le micro que. Oui, ben c'est ça. Pas de savonnette. Elle a pas ça une savonnette. C'est quoi? C'est une trempette? Dans l'eau, là, pour laver la vaisselle. Une tantonnette. Une chantonnette. Une vaporette. Une frisonnette. En tout cas, ce que vous voulez. Et puis prenez ça comme micro. Lorsqu'on était. Lorsque nous étions adolescents, nous cherchions un certain micro. Comme Michel Louvain cherchait un certain sourire. Car je cherchais un certain sourire. Aïe. Mourir pour toi. À dormir, je verrai bien. À dormir, je rêve bien. C'est quoi ça? C'est du rat. Ah oui, c'est raté. C'est du raté. C'est un nouveau style musical. Oui, c'est très musical. Je trouve que c'est boco. Boco? Oui, sa musique, boco. Ben oui, j'ai jamais entendu ça. Boco avec ou sans beco. Pam, pam. Non, c'est pour les poissons. Oh! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? C'est maintenant fait. On l'a dit tout à l'heure. On n'a pas peur du ridicule, puis on voulait vous demander de vous préparer devant votre micro pour chanter avec moi, mais il est trop tard. On est déjà en retard. Le temps fuit sous nos pas, sous notre voix et sur les mois. Les mois, ben les mois, l'émotion. Oh mon, c'est vrai. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Je sais que c'est une phrase que vous avez déjà entendue il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais elle revient, s'il ne parle pas le pot. Ta ta ta la la la la ta la ta ta ta ta. J'allais déjà. Je sais, je suis pas original, moi là. Quand je trouve la machinerie, je continue là-dedans. Des fois, je bifurque, là. Des fois, je sais que c'est ça. Je sais que c'est pas ça, mais je sais que c'est... Je sais. Ben, arrête de savoir. Ben, oui. C'est... Ah, ben, Antitan. Oui, qui? Antitan, c'est pas un mec chinois, ça? Allô, madame? Madame, on va appeler... Oui, c'est la commande à l'auto? Allô, madame? Oui, c'est la commande à l'auto. Oui, à l'auto. Oui, c'est à l'auto. Madame, vous êtes là? Oui. OK. On veut commander une commande à l'auto? Oui. C'est des mecs chinois? Oui. OK. Mais est-ce que c'est vraiment très chinois ou un peu chinois? Oui. C'est très chinois, hein? Oui. OK. y a-tu l'écho est comprise avec... Oui. OK. On paye rien de plus, là? Oui. OK. Les frites chinoises, c'est quoi, ça, madame? Oui. OK. C'est frit sous la chinoiserie? Oui. Okay. C'est avec du riz? C'est des... Oui. C'est-tu de la patate ou du riz? Oui. Et ça nous aide, ça? On lui demande si c'est des patates. Ouais, tout le temps. Vous êtes toujours sur le loin, vous? Oui. OK, ça, c'est... Je présume que vous avez mangé trop de rice spirits. C'est quoi, là, en chinois? Rice spirits? Une chanson de... Charlie Lécouture, Rice Spirit, t'as oublié. Avez-vous mangé du Rice Spirit? Oui. OK. Madame, je voudrais du pâté chinois, vous n'avez pas, hein? Oui. OK, parce que c'est pas chinois, du pâté chinois, ouais. Ça vient du Québec, hein? Oui. Ben. Encore quelques heures et puis les gens vont savoir la recette du pâté chinois. Ben, on la connaît. Ça semble une chinoiserie, là, mais il en est rien. Comment c'est une chinoiserie? Ben oui, parce que j'ai tenté de lire les textes des Asiatiques. C'est pas facile. Bref, c'est très, très, très difficile. N'est-ce pas, madame? Oui. Votre menu est-il en chinois? Oui. Y a-t-il une traductrice? Oui. Ah, comment elle s'appelle? C'est Gaétane? Oui. C'est pas chinois trop, Gaétane, hein? C'est un nom qu'elle a modifié pour être compris par tout le peuple québécois? Oui. Ah, sinon, elle s'appelle Anne Tang-Tong? Oui. OK. Alors, Anne Tang-Tong est-elle là? Oui. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Ça tombe mal, on n'a pas le temps. OK. Alors, je me suis dit, on frappe à la porte. et j'ai regardé le réveil. À peine 13h13. Bon Dieu! C'est pas écrit bon Dieu, c'est écrit bon Dieu. OK, excusez-moi. Bon Dieu! 13h30! Le réveil qui sonne, le téléphone qui renifle, et ma copine qui pleure. Que se passe-t-il? Ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la, pom, pom, pom, pom, pom, pom. C'est la chouette qui est en arrière de la porte. C'est qui? C'est la chouette. C'est la ouate. Pas la ouate, la chouette, l'équipe chouette. Il faut vous dire que hier, j'ai pas voulu faire ça. En fait, c'est le beau-frère de ma copine qui a voulu rentrer chez nous, qui a voulu prendre quelques bières, qui m'a dit « Ah, oh, Charles, mon Charles, mon Charles. » Ben oui, c'est moi ça, mon Charles. Accompagne-moi, accompagne-moi. Je peux pas sortir avec toi. Non, non, non, accompagne-moi là ce soir. J'aimerais bien t'accompagner, mais dans quoi? Dans cette aventure poétique. Ah, monsieur, vous êtes pas poète, vous, mon cher monsieur? On va partir. Vous me voyez, vous? Et monsieur, on est parti loin. Et très loin. En troisième vitesse. On recommence. Attention. Arrêtez votre... attachez votre radio, Madame Tremblay. Vous voyez, ça fait de la boucane. C'est... Comment ça? C'est du transistor. Ça brûle du transistor là-dessus. C'est du digital, vous, madame? Oui. Ça prend pas un feu, hein? Non, ça prend l'air. OK. De l'air? De l'air. De l'air fou. Oh, mon Dieu. C'est de la bonne air, hein? Ça rend malade. OK. Ça rend bizarre. Ça rend facette. Non, c'est farah facette. Farah facette. Riez pas de... Non, on rit pas. Mais voyons donc. Non, c'est ça. OK. Alors, il est 13h30. Bon Dieu! J'ai oublié d'arrêter mon numéro de téléphone. Les gens vont m'appeler. Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est « Quartier des agités à l'est d'Hollywood ». Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Não ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem, e o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui, tão de HK. Leva num sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. sua função no 12, na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fim. É tudo isso tem, o apetite vai, pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui, dão de HK, leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresço no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covardes são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com os grilhos no prato, né, ué? Les concerts que tu fais sur scène ou Je m'arrange pour les filmer. Les capter, ouais. Ok, les filmer. Les filmer, oui, pour enregistrer quelques-uns, mais c'est pas. Non, c'est pas. Ok. J'aime bien le côté un peu éphémère. Et, oui, alors ça se passe là. Si t'es pas là, ben oublie parce que c'était un moment magique. Et, avec les années, là, tu prépares cet album. Cet album-là est en fusion, en quoi en préparation. Oui, tu cogites encore. Mais lorsque tu écris, tu te réfères à qui t'as une formation, t'as étudié en création. Au contraire, ça vient tout seul. C'est... Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas de. Enfin, en tout cas, pas consciemment de modèle d'écriture. Moi, j'ai. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'aime pas dans les chansons, j'aime pas tellement les jeux de mots, j'aime pas tellement la poésie pour la poésie. Ok, alors j'aime Bachung bien le un sens. Peu moins. Si, parce que Bachung avec Berman, ils ont fait quelques monuments, mais moi, j'ai pas envie de chanter ça. Okay. J'aime l'écouter quand c'est bien fait, ou Gainsbourg. Mm-hmm. Mais moi j'ai envie de raconter des histoires dans une écriture simple, des mots de tous les jours, et j'ai envie qu'on écoute du début à la fin et qu'on ait envie de savoir la fin de la chanson. Okay. Tu vois, des histoires. Donc ça me vient, de ma culture de bande dessinée. Et ça me vient de mon amour de la country music, parce que ce sont toujours des storytellers, ils te racontent toujours des histoires. Il y a un début, une fin, il y a une chute, il y a une phrase comme « I'll never get out of this world alive » ou des trucs comme ça. Moi, c'est ça que je cherche, quoi. Cette simplicité-là, quoi. Voilà. Et si tu veux aussi, tu peux mettre en parallèle le dessin, tu peux juxtaposer ça à travers ton œuvre, c'est-à-dire tu peux... Oui, bien sûr, oui. Tu peux... Non, c'est bon. Tu peux faire soit faire de la musique et après ça arrêter, faire du dessin, t'es pas obligé de... Bah, là, en ce moment, je fais la musique, je prépare mon projet, donc il y a les concerts et tout ça, mais je vis grâce au dessin, tu vois. Ah, tu vis grâce au dessin? Oui, parce que je fais de l'illustration, des pochettes, des flyers, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Alors, c'est pas tous les jours facile, puis je suis indépendant, mais voilà, en ce moment, je vis grâce à ça et je prépare mon projet musical. Okay. Au moment de Parois, évidemment, je dessine quasiment plus. Mais il y a eu des longues périodes où je faisais plutôt du dessin, oui, bien sûr. Mais par exemple, là, ça me... Moi, si tu regardes le CD que je t'ai donné, je dessine les affiches, les flyers, tout ça, tu vois, ça c'est moi qui l'ai fait par exemple, tu vois. Oui. Voilà, donc je m'occupe de tout le visuel. Tu vois. Et tu fais aussi des concerts avec Isée, entre autres, je t'y vais avec Isée, c'est ça? Elle m'a invité pour un concert, oui. Ok, ouais. Elle t'a connu grâce à... Des amis communs. Ok. Et elle cherchait quelqu'un pour partager une scène avec elle et elle est venue c'était voir en concert. Au Trois Baudets? Au Trois Baudets, oui. Ok, ouais. Et elle cherchait quelqu'un pour partager la scène avec elle, la soirée. Et... Elle est venue voir en concert, ça lui a plu, donc voilà. Oui, elle m'en a parlé, puis c'était magique, il paraît. Oui, ouais, super. Ouais. Mais est-ce que tu fais ça souvent avec d'autres artistes de lier vos... Ben, déjà, moi, dans mes concerts, il y a presque toujours des invités. OK. C'est-à-dire que... C'est qui, c'est des copains ou... Alors, je vais t'expliquer, par exemple, ce vendredi, là, il y a deux jours. Donc, il y avait mon ami Olivier et sa copine Cathy, donc de Austin, Texas, qui étaient là, voilà. Eux, ils ont un groupe qui s'appelle Continental Graffiti à Austin. Pra ver um daqui sucumbir. Você pode até sorrir, mas no final vou chorar. Mexeu com nós, assim, só forte. Tô com a favela, tô forte. Tô pra ver um daqui sucumbir. Você pode até sorrir, mas no final vou chorar. Mexeu com nós, assim, só forte. Tô com a favela, tô forte. Tô. tô pra ver um daqui pedir toalha. Água, não resisti essa batalha. Do rap não sou uma estrela, eu sou uma arma que cospe a verdade. Pega e falha do perreio, desespero, descabelo da desgraça que nutre o ódio e prolifera com a massa. O gosto amargo, discado que se trace a trabalhar sem ter, se envolver, vira fumaça do que esconderam debaixo do tapete. Sacia meu povo que tá com sede de verdade. Sim, aqui se pode correr atrás. Traíras não podem conquistar o que teriam de graça. De que adianta ter conceito nas festas? Sem moral na quebrada, sua carapuça caiu. Ai, coisa feia, é óleo de peroba nessa cara de madeira. Em toda a quebrada tem. Você sabe bem o que ele quer, é te derrubar. Pra ver um daqui sucumbi, você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, tô forte. Tô pra ver um daqui sucumbi, você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, tô forte. Ensinamentos dessa caminhada, o sol que te aquece de graça, o artesão que a madeira talha. Agulha no palheiro, um dia a gente age, o tempo passa devagar, se a vida tá sem graça. É rocambole sem recheio, tonel sem cachaça, beijo sem língua, São Paulo é uma farsa. Pegar o desarmamento, ação desesperada, não investiram na educação. É preto e branco, um vaso numa tela, uma flor sem cor, um sorriso amarela. Entra ano e sai ano e o povo na miséria. Se meu negócio é cantar, cantaremos Cinderela. Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero passar pra depois desenvolver. Eu quero comer, eu quero beber. Saneamento básico, cacete, isso é o mínimo. Dignidade do poeta que vai se diluindo numa luta covarde, vão seguindo, tossindo. O que mais me incomoda é sua pobreza de espírito. O que mais te incomoda é que eu sou feliz fazendo isso. Desisti nunca, não sou covarde. Queira ou não, rap é uma realidade. Desisti nunca, o povo não é covarde. Queira ou não, rap é uma realidade. De luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta. Mexeu com nós assim, sou forte. Tô com a favela, tô forte. Tô pra ver um daqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, sou forte. Tô com a favela, tô forte. Tô pra ver um daqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, sou forte. Tô com a favela, tô forte. Tô pra ver um daqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, sou forte. Tô com a favela, tô forte. Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles. Et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo. Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande. C'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. Débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, où ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Dans ma bande y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. chez un colloque je me réunis. C'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my girl. Merci! Et on les a. Hey, c'est facile de les faire partir, hein? C'est soit que tu arrives dans le salon, tu crains ton cadran, les gens se disent, hey, c'est l'heure de partir, là, gamoilo, qui crains, là. Moi, quand je crains, je me pompe. Pas besoin d'être asthmatique, moi, là. Ah, il est 2h15 du matin, quelle heure, là? 1h07, là, puis il y a encore 3-4 personnes dans le salon, là, puis ma fille est là, là. Jamais de mon territoire. Ah ouais, mon territoire, c'est ici, dans le couloir. Puis si je vous observe du coin de l'œil, si vous faites des choses absurdes, j'arriverai à vous avec la radio sur CKRL et je vous dirai, ça, c'est de l'absurdité, cette émission-là. Ben là, toutes les... Non, mais imaginez-vous les jeunes. Ça part, là. Je comprends pas. Je vois le genre, le style. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ah ouais. Va à l'école, ouvre tes livres, là, essaye de comprendre le genre humain. Noie-toi dans la psychologie humaine, dans la vie urbaine, dans la sociologie. Allume, allume! Comment t'appelles ça? Non, c'est pas une boussole, c'est... Non, moi, c'est une veilleuse, OK? Tu te trompes? Attends un peu, là. Lui, il se trompe entre la boussole et la veilleuse. C'est bon, ça. Ben oui, mais là, je peux pas tout savoir, non. Non, non, non. Déjà là, pour toi, le mot savoir, là, c'est quelque chose, là, au zénith de ta connaissance. Ben, écoute, là, c'est une boussole, OK? Oui, parle-la pas. Ben, j'aime bien ça lorsque je la perds. Pourquoi? Ça fait des bonnes émissions, OK? Puis l'autre, c'est quoi? Ben, c'est la boussole. Puis après ça, c'est le gestionnaire de ta connaissance. Ah, oh, mon Dieu! Ça, c'est comme mon disque dur, là. C'est Windows, là. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il n'y a rien à voir avec Windows là-dedans. Il n'y a pas de fenêtre. Ben oui, l'ordinateur Windows. Ah, oh, mon Dieu! Ils viennent nommer des... On n'est pas commandité par eux, là. Paris, par eux. Par... On les connaît-tu? Oui, ben oui, on les connaît. On les connaît à chaque seconde lorsqu'on est devant notre ordinateur. Ben oui, mais moi, c'est une pomme. Oh, mon Dieu. J'ai des pépins avec ça. Ben, c'est normal, c'est une pomme. Ah, as-tu trouvé la queue? Oui! J'ai mis ça dans le branchement, moi, là. Pas toutes les queues qui vont dans le branchement. Eh, moi, ça m'a fait des frisottis. Puis là, je me suis mis à dire, « Ne laisse pas passer! » Eh, monsieur. Là, j'ai enlevé les frisottis. Là, j'ai continué à dire « La chance d'être aimé! » OK. Là, ma guitare s'est approchée proche de moi. Elle est près de moi, pas proche, c'est ma guitare. S'est approchée proche de moi, puis elle s'est mise à se flottiller, à s'accorder, à se désaccorder devant mes oreilles discrètes. là, elle m'a dit « Fring, fring, fring! » Oui, là, je suis allé frapper à la porte. Mais non, c'est sonné. Mais ça sonné, ça fait « Fring, fring, fring! » Là, j'ai dit à ma guitare, j'ai dit « Oui, allô, qui est là? » Là, il y a Jacques Dutronc qui dit « Il y a un tigre dans ma guitare, blablabla. » Je dis « Oh, c'est quoi ton blablabla, toi, là, là? » On la connaît-tu, celle-là? Elle est peu connue. Ouais, il y a et moi. Ouais, ça, je la maîtrise très bien. Les cactus. Ça, c'est bon, hein. Le monde, c'est merveilleux. Il y a le Playboy. Ah, page 37. Il y a Bobo Bebek. La belle Bobo Bebek. Avec ses cheveux bien Bobo de line. Il y a un océan prêt à la décharger. À se charger de la décharger. C'est beau, Derek. Hey, d'antenne. Oui, nous sommes à l'antenne de CKRL. Oui, mais d'antenne. Quoi, d'antenne? C'est une marque, c'est une publicité. Mais non, dans le film Ten. OK, excuse-moi, fâche-toi pas, toi, là. Hey, on te place ici pour nous inculquer la connaissance, voilà. Si t'es pas un bon être professoral, oui. T'es un animal, peut-être. Sauvage, ben oui. Ben, va-t'en dans ta niche. Mon caniche va te faire tondre. Par Gaston. Gaston, y a le caniche qui va. Cette nuit, cette semaine, ce soir, je ne me suis pas épargné. Pour mon public, je me suis affiché jusqu'à un épuisement du concept. Car j'ai mâché, j'ai squeezé, j'ai épluché, j'ai déshabillé, j'ai poursuivi et j'ai levé à bras de mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « chose ». Chose. Ça m'intéresse, le mot « chose ». C'est quelque chose, le mot « chose ». Ma grand-mère disait pour... Non, elle, c'était machine, c'est vrai. Elle amenait tous les concepts qu'elle ne connaissait pas véritablement le mot par machine. Non, mais tu sais la machine, là? Oui. Non, mais j'ai vu machine, là. OK. Non, mais je suis arrivé, là. Il y avait machine, là. OK. Puis ouais, c'est ça, hein? C'est la machine là, qui... Ouais, ouais, effectivement, grand-maman, là. Là, tu peux pas dire autre chose à ta grand-mère. C'est ta grand-maman. Tu l'aimes, ta grand-maman. C'est vrai, c'est... Je trouve que ta pensée est véridique. Je comprends presque tout ce que tu veux me dire parce que il y a comme une commutativité, hein? Une concordance, un lien... Hein, tu la connais depuis longtemps. Donc, tu sais que la machine, ça veut dire un mot précis qu'elle ne peut pas connaître ou parce qu'elle n'a pas été longtemps à l'école, mais elle s'est occupée de ses enfants. Il en a élevé, quoi, 14, 15, 16. Et 3, 4 d'entre eux sont morts avant même l'âge de 18 ans. C'est une autre époque. Hein? Aujourd'hui, on a deux enfants. On est fatigué. Deux enfants... On travaille, le téléphone sonne, non, on va pas répondre, on est trop fatigué. Le réveil nous réveille, le téléphone nous fonne, la radio nous radioactive. Ah non, c'est vrai, est-ce que la radio nous radioactive? J'espère que oui! Ça nous amène de l'énergie, là. Hey, t'es-tu content de s'intoniser CKRL? Là, je vais comprendre des affaires. Là, je vais m'intéresser. Là, ça va me distraire. Ça va m'amener quelque part. Le gars qui parle du jazz, là, il en écoute pas. Il faut pas juste en écouter. Il en mange, il en vit, il en rêve du jazz. Thelonious Monk, là, il va te le raconter de port en port, de train en train. Miles Davis. Il va te dire avec quel... Avec quel instrument avant il nous a fait fabuler dans le film pour l'échafaud, là, l'escalier pour l'échafaud, oui, monsieur, malheureusement qui est décédé. Oui, heureusement qu'il est décédé parce qu'il serait quoi? Il serait en poussière? Ben, pas vraiment, là. Voyons donc, celui qui a fait pour l'échafaud, là, l'ascenseur pour l'échafaud, c'est Louis Malle. il aurait peut-être 90 ans aujourd'hui, là, puis il nous ferait encore rire, puis encore réfléchir, puis encore pleurer. Prématurément, le cancer l'a emporté comme ben beaucoup de réalisateurs. J'allais dire ben, voyons donc, ben, loulou. Non, faut pas. Voyons donc, faut pas perdre notre langue française. Tranquillement, là. Elle s'en va vers les... Elle cache sous les vagues une divagation des plus rénaldiennes. Surtout à minuit, une heure et quart. Moins le quart de qui? Le corps du corps. OK. Mais c'est ça. Les choses, les machines. Mais quelles choses, tu sais? Des choses obscures, des choses monstrueuses, des choses qu'on ne peut pas signifier. On l'amène dans la grande famille de ce mot. C'est quand même intéressant. Parce qu'on n'a pas l'air comment absent, on a l'air là, presque là, puisque notre physique et notre corps, notre masse corporelle se trouve à un endroit défini. Nos mots semblent un peu trop indéfinis. Et l'allure de ce tout, et ma foi, presque fini. Parce que, oh, les petits oiseaux. Il fait chaud ce soir sur CKRL, le 89.1, la radio qui me donne des ailes, comme les oiseaux, là, les petits oiseaux, tout, ou les gros oiseaux. Stop the pouring. Raindrops roll down the raft. Forever after, in the technicolor hobby, can they say it helps you forget everything? Sweet Jello. Lui, Olivier, il est très fan de Django Reinhardt, tout ça, donc il a amené ça là-bas un peu. Et ce groupe Continental Graffiti, ils font des choses entre swing, chansons italiennes, manouche et rock'n'roll. Tu vois, et donc au cœur de mon concert, là, ils ont chanté trois chansons à eux, violon, guitare, super. J'ai invité un monsieur qui s'appelle Hervé Zerouk, qui était le chanteur d'un groupe qui s'appelait Les Désaxés dans les années 80. Oui, ben, je connais. Bon, Hervé, chanteur. Ouais. Qui il y a quelques années m'a donné quelques chansons dont une que je chante toujours en exil. Okay. En exil, c'est d'ailleurs Zerouk. Et on s'était pas vu depuis 10 ans et là je l'ai retrouvé et je l'ai invité à venir faire deux chansons. Tu l'as trouvé à Paris? Ouais. Ok. Tu sais, la vie voilà, fait qu'il y a des courants où on se croise. Voilà, et je l'ai invité, il a fait deux chansons. Et pour finir, il y avait quelqu'un qui s'appelle Joël Daidé. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'était un chanteur de blues des années 70 en France, okay, qui avait fait la version qui avait cartonné en France de Oh Mami Blue. Ah oui, ok, oui. Joël Daidé, une magnifique voix éraillée. Ah oui, il est venu me voir. Je connaissais pas le gars derrière là. Tu iras voir sur YouTube, Joël Daidé. Je connais. Il est venu me voir là ce soir-là et j'ai proposé de faire une chanson. Donc on a fini le concert avec Doc of the Bay, c'est lui qui a chanté. Voilà, donc. C'est des moments, mec. Donc j'aime bien souvent. Et il y avait aussi un copain qui s'appelle Hugo du groupe Bukahei, qui est venu aussi faire une chanson. Voilà. Donc j'aime bien, oui, effectivement. Tu surprends ton public aussi. Le public, ça attend un petit spectacle. Oui, et puis mon public, si tu veux maintenant, comme il y a Facebook, par exemple, il voit un artiste avec moi, et ben, ils vont voir sur sa page. Oui, et voilà, c'est, on se répand. C'est le filet cybernétique. Hein. Un va voir l'autre et vous faites de l'autopromotion. Ouais. Et écoute, j'ai 10 questions. Et tu y vois comme tu le sens. Oui. Puis, je suis bien content de t'avoir rencontré. Hier, ça n'a pas fonctionné, mais là, aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins. Le Nazir, où tu m'avais donné rendez-vous, pourquoi tu t'es logé par là-bas ou, Ouais. Parce que dans les années, juste avant, dans les années 87, j'ai rencontré une femme, une jeune fille qui avait 18 ans à l'époque, dont je suis tombé très amoureux. Elle avait 18 ans, elle habitait la porte à côté du Nazir et tous les matins on allait manger nos croissants au Nazir et c'est devenu la mère de ma fille. Ah ben voilà, voilà. C'est pour ça que ça me faisait plaisir de te voir là-bas et je m'en suis voulu, mais après le concert, je suis pas rentré chez moi, on avait un peu fait la fête. Ben oui. Et c'est hier soir, j'ai vu. C'est pas grave. Au moins nous voilà, puis je vais pouvoir partager aux auditeurs de CKRL 3-4 semaines en ta compagnie en faisant jouer la musique que tu écris et tes anciens trucs, Alligator et Powwow, qui mais nous, on a accroché sur Powwow. Comme beaucoup de francophones, hein, on est très sensible à la langue française. Ouais. Donc pour une fois qu'un groupe s'exprime en français, on s'y rattache et on veut l'avoir entièrement avec. Moi je viens dès que vous voulez là-bas, moi je viens avec ma guitare et même éventuellement travailler avec Lucien Ducru. C'est facile à mettre en place, oui. Tu vois. Donc voilà, au contraire. On va créer quelque chose. Mmh. On va créer quelque chose. Super. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui, si tu te réfères peut-être à il y a deux jours. Un liquide, écoute. Je sais. Le rhum de la Martinique. OK. OK. Pourquoi et en particulier, je peux citer une marque. Oui. Le rhum Naisson. N-E-I-S-O. 2-S-O-N. OK. Naisson. Pourquoi? Parce que j'ai eu une femme qui a compté dans ma vie, qui est d'origine martiniquaise, et je suis allé là-bas et elle m'a fait découvrir, enfin grâce à elle, j'ai découvert la musique martiniquaise, pas le zouk, mais la musique d'avant, les racines d'avant. Merengue, mazouk, le gros car, enfin la musique martiniquaise, antillaise. Très festive, hein? Ouais. Et j'ai goûté le rhum, j'ai pris goût au rhum et c'est. Voilà. Et il faut savoir que je n'en abuse jamais. Voilà. Non, mais il faut pas, parce que c'est très fort, hein? Ouais. C'est puissant. That's why I'm dreaming. Because she goes, she grieves, she lies, she says, I'm handsome. Once dad hit me so hard, mom felt it on her cheek. Because she goes, she grieves. Sous-titrage Société Radio-Canada.

anything that you can do yourself. The wolf is here, he's at your side. You better fight him or it's you that's gonna die. The wolf is at your door. The wolf, wolf, wolf. Look out. Ah, oh, puis je sais un peu ta réponse. Si tu étais une ville. Une ville? Mmh. Ah. Une ville. Wow. Paris. Oh, ça me surprend. Paris. Pourquoi? Parce que j'aime cette ville. C'est parce que je suis passionné par Paris, par son histoire, par... Non, mais toi qui es normand, t'as pas une petite nostalgie lorsque tu retournes là-bas ou tu y vas plus? Non, puisque j'y retourne quand je veux et que... Et je ne pense pas que ce sera là-bas que je finirai mes jours, par exemple. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est mon pays, je le connais bien, mais j'aime beaucoup en France le sud-ouest. Ben, pour les Québécois qui n'ont jamais voyagé, sud-ouest, peux-tu expliquer? Alors, sud-ouest, c'est le quart sud de la France, au-dessus des Pyrénées, entre les Pyrénées et Toulouse, on va dire. Voilà. C'est encadré par la... On peut mettre Marseille? Ah non, là c'est le sud-est, justement. Ah, ok. Mais le quart qui est au-dessus des Pyrénées. Okay. Après, tu as le quart sud-est qui est au-dessus de la Méditerranée. Oui, notamment, là, c'est à toi. Okay. C'est là toute la région avant l'Espagne. Okay. Et pourquoi c'est... Pourquoi? Parce qu'il fait beau, il fait chaud, mais pas trop. Mm-hmm. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de montagnes, des paysages magnifiques. On y mange très très bien. Enfin, il y a une qualité de vie que j'aime beaucoup. Voilà. Et toi qui as voyagé, donc tu reviens toujours, mais c'est pas les États-Unis. Je pensais que tu allais me dire... Non, j'ai hésité. Tu sais quoi? J'ai hésité avec... Avec Memphis. Ah oui. Pour le symbole, pour l'histoire, pour la musique, pour Elvis. As-tu pour... déjà enregistré là-bas Non. Moi, aux États-Unis, je ne suis allé bizarrement que trois fois à New York et une fois à San Francisco. Et je n'ai pas encore fait le pèlerinage que je veux faire, Nouvelle-Orléans, Memphis, Nashville, le Texas, tout ça. Mais j'irai. Oui, mais sentir la musique, hein, c'est ouais. L'odeur. Ouais. Si tu étais une langue. Le français. Parce que c'est celle que tu connais. Oui, parce qu'elle est belle, j'aime la manier, mais j'adore aussi l'anglais. J'aime beaucoup l'anglais. Tu la comprends très bien, ta langue anglaise? Oui. Tu l'étudies, au contraire, c'est venu en écoutant les Beatles? Je l'ai étudié au collège et au lycée, comme tout le monde, mais je la pratiquais déjà un peu grâce à la musique, parce qu'effectivement, j'écoutais les Beatles et tous ces musiciens-là. Et étais-tu du genre à traduire, ou au contraire, tu te laissais percer par... Ah oui, non, il fallait que je sache ce que ça voulait dire. Oui. Okay. Ah oui, c'était... Bah oui. Ok. Et puis les Beatles, c'est pas assez surréaliste, c'est pas compliqué pour apprendre l'anglais, les paroles des Beatles. Bah, c'est ça qui est intéressant, okay. Parce que ça ouvre aussi... Oui, ça ouvre plein de choses. Hein. Comme de toute façon, j'aimais beaucoup lire, donc le côté entre guillemets littéraire, je l'avais déjà, donc c'est intéressant aussi de savoir de quoi parlent les chansons en anglais, bien sûr. Et Jack Kerouac, surtout pour les amateurs de Beat Generation, pour raconter les États-Unis. Bien sûr, le grand fantasme de la route. Oui, bien sûr. The trains and everything. C'est ça, exactement. Si tu étais une époque. Une époque. Alors, ça ne veut pas forcément dire que j'aimerais y vivre. Hein. Non. Mais je suis passionné aussi par le 19e siècle. Yeah.

I'm gonna take them home with me now. You gotta get hold of your friends. You gotta get hold of your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friend to win. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your storm to love. So, thank you all much indeed. See you again. Beautiful. The fantastic Joe Cocker.